Le château de Falkensheim, légende allemande, par Emma Faucon. Sous le règne de Frédéric Ier, dit Barberousse, empereur d'Allemagne, et pendant que ce prince guerroyait en Italie, les barons et les différents seigneurs de l'Empire, profitant de son éloignement, avaient secoué toute espèce d'obéissance et le frein des lois ne les arrêtait plus. Ils se livraient à des exactions et au brigandage pour satisfaire à leur goût pour le luxe et les plaisirs, et c'est de cette époque que date la mauvaise renommée de la forêt noire. Au premier rang de ceux qui méconnaissaient ainsi l'autorité des lois se trouvait le baron de Teufelstein, qui avait occupé autrefois un poste assez important à la cour de Frédéric. Ses excès lui avaient fait perdre la faveur de l'empereur, et après avoir dissipé au jeu le peu qui lui restait, il s'était retiré sur les frontières de la Souabe, entre les sources du Neckar et du Danube, en pleine forêt noire, et non loin de l'endroit où s'élève aujourd'hui le château de Falkensheim. Le donjon féodal qu'il habitait portait un nom digne de ce terrible châtelain. Teufelstein signifie en allemand « la pierre du diable ». Le baron de Teufelstein avait une sœur mariée au margrave de Neudorf, homme d'honneur et de haute probité, dont toute la vie s'était écoulée dans l'accomplissement rigoureux de ses devoirs. Il ne pouvait y avoir, il n'y avait aucune sympathie entre les deux beaux-frères. Aussi ne se voyait-il qu'à de longs intervalles. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, quand le margrave et sa femme moururent à peu de jours d'intervalle l'un de l'autre, en laissant une fille unique, charmante enfant d'une dizaine d'années, dont la tutelle revenait de droit à son oncle. Le baron de Teufelstein courut à Neudorf, se fit rendre un compte exact de la succession, et partit ensuite, emmenant avec lui la jeune orpheline, qu'il confia à la garde d'une vieille femme chargée des soins intérieurs de sa maison. Abusant de ses droits de tuteur, il vendit une partie des biens de sa pupille, et avec l'argent qu'il en tira, il fit construire, à l'endroit où s'élève aujourd'hui le château de Falkensheim, une forteresse formidable, munie de tous les moyens de défense connus alors, et recommença sa vie d'aventure et de pillage. Charlotte passa de tristes jours dans ce château, isolée du monde entier, n'ayant pour société que la vieille femme qui la servait, n'apercevant que très rarement son oncle, qui du reste lui inspirait plus de terreur que de respect, elle voyait sa jeunesse s'écouler ainsi, sans plaisir, sans affection et sans espoir. C'est alors qu'elle sentait encore plus vivement le vide que la mort avait fait autour d'elle. Elle ne soutenait sa force et son courage que par la confiance qu'elle mettait en Dieu et par la ferme pensée que son père et sa mère veillaient toujours, de par-delà le tombeau, sur l'avenir de l'enfant qu'ils avaient tant aimé. Il ne restait sur la terre qu'un seul homme qui pût s'intéresser à son sort. C'était son parrain, le landgrave Conrad de Wittheim. Mais depuis plusieurs années, il avait suivi l'empereur dans ses expéditions lointaines et, chargé de missions importantes, il avait parcouru presque toute l'Europe sans pouvoir s'arrêter assez longtemps en Allemagne pour chercher à connaître le sort de sa filleule. Charlotte allait atteindre sa 18e année et rien n'avait changé dans sa vie. Aussi triste, aussi solitaire que jamais, elle passait ses journées à regarder la belle campagne qui se déroulait à ses pieds et qu'elle aurait été si heureuse de pouvoir parcourir en liberté, et elle admirait le paysage pittoresque borné au loin par la forêt noire. Un matin, le baron entra chez elle. Sa physionomie était encore plus sombre qu'à l'ordinaire. Il s'assit, et brusquement, sans préparation, il lui enjoignit de se disposer à entrer dans un couvent. Charlotte avait un caractère ferme et résolu. Après s'être remise de sa première émotion, elle répondit à son oncle qu'elle ne se sentait aucune vocation pour la vie conventuelle, qu'elle avait déjà assez souffert de son isolement et de sa réclusion, et que si son séjour devenait impossible dans le château, elle le priait de la faire partir pour le Landgraviat de Wittheim, où son parrain la recevrait avec joie et l'aiderait à administrer la fortune que ses parents lui avaient laissée et dont elle pourrait disposer à 18 ans. Exaspéré de cette résistance imprévue, le baron lui annonça que toute opposition de sa part serait inutile, que du reste elle ne possédait plus rien et qu'elle devait se trouver bien heureuse d'entrer dans un couvent au lieu d'aller vivre chez des étrangers, car, disait-il, il ne la garderait pas 2 jours de plus au château. Puis il sortit en lui donnant jusqu'au lendemain matin pour se préparer à le suivre. La jeune fille versa d'abondantes larmes, mais pressant sur ses lèvres la croix que sa mère mourante lui avait passée au cou, elle retrouva de l'énergie dans la prière et prit la ferme résolution de résister aux ordres injustes de son oncle. Rentré dans la grande salle du château, le baron trouva un écuyer qui l'attendait pour lui remettre une lettre du Landgrave de Wittheim. Conrad lui écrivait que, retenu par les affaires de l'Empire loin de son pays, il n'avait pu s'occuper de sa filleule, mais que, de retour depuis peu, il voulait aller s'entendre avec lui et il finissait en lui annonçant sa visite pour le lendemain. Il avait laissé à l'armée son fils Rodolphe de Wittheim, jeune homme de 25 ans, brave, généreux, honnête et loyal comme son père, et sur la tête duquel il plaçait l'espoir de sa race. Quand le baron de Teufelstein eut pris connaissance de la lettre de Conrad, son front s'assombrit, ses traits se contractèrent, mais dissimulant son trouble, il répondit au messager que le Landgrave serait le bienvenu à Teufelstein et qu'il l'attendrait le lendemain pour écouter ce qu'il avait à lui dire et pour lui remettre sa filleule s'il pensait que le séjour de Wittheim peut être plus utile à l'avenir de la jeune fille. Puis il le congédia avec un présent. Sa résolution était prise. Il remonta chez Charlotte et, cachant ses projets sous un masque de bonté, il lui annonça qu'il avait réfléchi à leur dernière conversation, que le bonheur de sa nièce était ce qu'il désire le plus au monde, et qu'il allait lui en donner la preuve. Il lui fit alors part du retour de Conrad, de son arrivée au château pour le lendemain, et l'engagea à faire ses préparatifs de départ dans le cas où son parrain voudrait l'emmener à Wittheim. Charlotte fut au comble de la joie. Elle remercia son oncle, et le sourire reparut sur ses lèvres. Puis, dès que son oncle fut sorti, elle fit ses préparatifs de départ. Le lendemain matin, le baron sortit du château à la pointe du jour, suivi de 8 hommes de main, et avant de s'éloigner, il chargea son premier écuyer de recevoir le Landgrave, de lui faire les honneurs du château, de le laisser avec sa filleule, et d'obéir en tout point à ses ordres. Il présenterait les excuses du châtelain en alléguant qu'un motif imprévu et de la plus haute importance avait nécessité son absence. Vers le milieu du jour, Conrad, accompagné d'un seul écuyer, se présentait devant le pont-levis et bientôt entrait dans la cour du château. Là, il trouva le serviteur du baron, qui s'acquitta exactement de sa mission, et l'introduisit dans la salle d'honneur où l'hydromel et les gâteaux épicés lui furent offerts. Conrad, étonné de l'absence de son hôte, l'attribua à la crainte que pouvait avoir celui-ci que la conversation ne tombât sur la gestion des biens de Charlotte. Sans connaître, en effet, tous les crimes de ce seigneur déloyal, il savait qu'il se livrait avec frénésie à la passion du jeu. Il ne s'occupa donc pas plus longtemps de cette circonstance et demanda à voir sa filleule. Ce fut un doux moment pour la jeune fille que celui où elle put ouvrir son cœur à un véritable ami, témoin des premiers jeux de son enfance. Elle lui raconta ses peines et ses malheurs, la mort de son père et de sa mère, la triste vie qu'elle avait menée au château, les menaces que lui avait adressées son oncle, son soudain changement de langage, et elle finit en le suppliant de l'emmener à Wittheim. La détermination de Conrad fut bientôt prise. Il fit appeler l'écuyer du baron et l'avertit de sa résolution d'emmener Charlotte. Il s'attendait à des objections. Il ne lui en fut fait aucune. Le baron, lui dit-on, avait prescrit d'obéir en tout point à ses ordres. De même qu'il y a des vertus qu'un scélérat ne saurait comprendre, il y a des crimes qu'un honnête homme ne soupçonne jamais. Le Landgrave crut comprendre que le baron n'était pas fâché de se défaire d'une tutelle gênante, et qu'il espérait que sa complaisance dans cette circonstance militerait en sa faveur quand il s'agirait de la reddition de ses comptes. Il fit donc seller ses chevaux, alla choisir lui-même une mule dans les écuries, et quelque temps après, Charlotte quittait le château de Teufelstein, escortée du Landgrave et de son écuyer. Les gens du château les reconduisirent jusqu'au revers du fossé et leur souhaitèrent un heureux voyage. Le jour penchait vers son déclin, et avant d'arriver à l'endroit où Conrad projetait de passer la nuit, il fallait encore faire 4 ou 5 lieues et traverser un bois sombre dépendant de la forêt noire. Conrad avertit sa pupille de hâter le pas, car tout entier au bonheur de respirer en liberté les senteurs si vives et si fraîches des champs et des arbres, Charlotte laissait flotter les rênes sur le col de sa mule en se livrant au plus doux rêve pour son avenir. La petite troupe était arrivée à l'entrée de la forêt et pénétrait déjà sous les ombres épaisses des arbres séculaires quand 8 hommes, armés jusqu'aux dents et la figure masquée, se jetèrent à la tête des chevaux. À l'instant, l'écuyer du Landgrave, frappé de plusieurs coups d'épée, tomba pour ne plus se relever. Les 2 hommes qui avaient arrêté la mule de Charlotte jetèrent un manteau sur la tête de la jeune fille, l'attachèrent autour de son corps et étouffèrent ainsi ses cris, précaution à peu près superflue à cette heure. La forêt noire était au loin solitaire et silencieuse, et l'oreille de Dieu, toujours ouverte aux cris des opprimés, entendait seule ses plaintes. Conrad, surpris, mais trop brave pour compter ses ennemis, avait mis l'épée à la main, et déjà deux des assaillants étaient renversés à ses pieds. Il cherchait à se dégager des quatre autres pour porter secours à Charlotte, dont il entendait les plaintes étouffées, quand un homme, armé de pied en cap, la visière baissée, et qui s'était tenu jusqu'alors caché à l'abri d'un tronc d'arbre, passa derrière le cheval du Landgrave, et d'un revers de son épée tranchante, coupa les jarrets du fier animal, qui s'abattit en renversant son maître. Le baron de Teufelstein, vous l'avez reconnu, appuya sa main sur l'épaule de Conrad, et avant que celui-ci pût se relever, lui plongea sa dague dans la gorge. Conrad jeta un cri étouffé, et ne fit plus aucun mouvement, il était mort. Le baron donna l'ordre de jeter les cadavres dans un ravin profond qui était à peu de distance, et après avoir fait disparaître les traces de la lutte, il prit le chemin du château portant dans ses bras Charlotte qui avait perdu connaissance. Arrivé à peu de distance du château, le baron distribua de l'or à ses complices, trop souvent compromis dans ses crimes pour qu'il pût appréhender d'eux une indiscrétion, et les congédia, puis il courut seul avec son fardeau vers la petite porte de la poterne, dont il conservait toujours la clé. Il s'introduisit dans le château sans être vu et se dirigea vers une tour située à l'extrémité des constructions, ouvrit une porte donnant sur une cour intérieure et après avoir descendu plus de 50 marches, il pénétra dans une espèce de réduit situé sous le sol, déposa la jeune fille toujours inanimée sur un tas de mousse et de paille amoncelé dans un coin, puis il sortit. Il revint quelques instants après, portant un pain et des provisions. Ensuite, après avoir fermé soigneusement la porte du cachot, il regagna la poterne pour entrer au château par l'entrée principale. Son écuyer le reçut dans la cour, lui fit part de la visite du Landgrave, de sa conversation avec Charlotte et de leur départ précipité. Le baron eut l'air d'écouter attentivement ce récit, approuva ce qui s'était passé et rentra dans son appartement. Il était heureux. Aussi heureux qu'on peut l'être quand on a commis un crime. L'impunité ne lui était-elle pas assurée? Conrad était entré au château en plein jour, avait été bien reçu, son départ avec Charlotte avait été public, les gens du baron l'avaient accompagné jusqu'au-delà du pont-levis, le châtelain était en voyage, nul ne l'avait vu rentrer avec la jeune fille, les auxiliaires de son guet-apens lui étaient dévoués, et leur vie lui répondait de leur silence. Tout avait été prévu, tout s'était passé suivant ses vœux. Il se jeta sur son lit, après avoir endormi sa conscience avec un large flacon de vin du Rhin. Charlotte de Neudorf était restée évanouie à l'endroit où son oncle l'avait déposée. Elle ne reprit ses sens qu'environ une heure après le départ du baron. Après la vie, le souvenir et la conscience de sa triste position lui revinrent. L'attaque de la forêt, les cris des combattants, le choc des épées, le cri d'angoisse de son bien-aimé parrain frappé à mort, toutes ces circonstances reparurent dans sa mémoire, et elle comprit ce qui avait dû suivre. Elle se voyait plongée dans une affreuse prison, où, sans doute, elle était condamnée à mourir si jeune, quand la vie, se levant à l'horizon, paraissait si riante et si belle. Elle se livra d'abord au désespoir, appela du secours, poussa des cris aigus, et puis, à bout de force, se laissa retomber à terre, vaincue par son malheur et épuisée. Un court sommeil répara un peu les forces de la pauvre enfant, et quand elle rouvrit les yeux, les ténèbres avaient cessé, et un rayon de lumière pénétrait jusqu'au fond de sa prison. Son énergie naturelle était revenue. Elle se ressouvint de Dieu qui protège les affligés, s'agenouilla sur la terre humide et pria avec ferveur. Quand elle se releva, elle était plus forte, plus calme, toujours triste, mais résignée au malheur. Elle regarda autour d'elle et examina les lieux où elle devait vivre jusqu'à sa délivrance par la main des hommes, bonheur qu'elle n'espérait pas, ou jusqu'à cette autre suprême délivrance que Dieu envoie aux malheureux et aux captifs en rappelant leur âme dans un meilleur séjour. Le cachot où se trouvait Charlotte était une large salle de 25 à 30 pieds de haut, située en contrebas du sol des cours du château. Une ouverture, placée dans la partie supérieure de la salle et au niveau du pavé de la cour, laissait entrer l'air et la lumière en quantité suffisante. Au fond était un escalier qui aboutissait à une porte massive et solidement verrouillée. C'était par là que le baron était descendu dans le cachot. Sur un des côtés de cette salle régnait une longue fissure qui s'étendait jusqu'à la voûte et par laquelle une eau limpide et fraîche, provenant d'une des sources si communes dans ces contrées, ruisselait comme un mince filet, pour les disparaître en suivant le mur dans le coin opposé où s'ouvrait un large trou dont Charlotte n'osa pas mesurer la profondeur. Au-dessus de cette prison s'élevait une haute tourelle, inhabitée depuis longtemps, et que le baron n'avait même jamais pris la peine de mettre en état de défense, car elle était construite du côté où le château, entouré de ravins et de précipices infranchissables, était inaccessible à toute attaque. Aussi les hiboux, les chauves-souris, les corbeaux et d'autres oiseaux de proie, tristes habitants de ces tristes lieux, y avaient-ils élu domicile. Au sommet de la tour, entre deux créneaux à moitié démantelés, un faucon avait bâti son nid, et dominant de son regard perçant tout le pays environnant, il fondait avec la rapidité de la foudre sur sa proie, image assez fidèle de ces barons pillards, qui rebellent à la grande pensée de la féodalité, cette hiérarchie des dévouements et des services, établissaient leur donjon féodal dans les hauts lieux pour rançonner tous les pays d'alentour. Il y avait plus d'un an que Charlotte était enfermée dans cette sombre demeure. Toutes les nuits, pendant son sommeil, la porte de l'escalier s'ouvrait sans bruit. Un pain et quelques maigres provisions étaient déposées par une main inconnue sur les marches, et la porte se refermait. C'est là qu'en se réveillant, Charlotte trouvait sa nourriture de la journée. Quelquefois, les provisions étaient plus abondantes. Quelquefois aussi, elles manquaient. La porte demeurait fermée, et la jeune fille attendait deux ou trois jours, sans recevoir son viatique accoutumé. Elle croyait alors que sa dernière heure était arrivée, et que son tuteur, devenu son geôlier, avait hâte d'en finir. Cela avait lieu lorsque le baron, partant pour une de ses expéditions qui le rendait la terreur du voisinage, devait rester absent plusieurs jours. Alors il augmentait les provisions de sa nièce. Mais quelquefois, son absence se prolongeait au-delà de ses prévisions, et c'est ainsi que la prisonnière était privée de nourriture, car le baron seul connaissait le sort de sa nièce. Nul dans le château, pas même ses complices de l'attaque de la forêt, ne savait ce qu'était devenue la jeune fille. Des chasseurs avaient retrouvé les cadavres de Conrad, de son écuyer et des deux brigands tués, mais excepté le landgrave que la richesse de ses habits avait fait reconnaître, les autres corps, mutilés par la chute et aux trois quarts dévorés par les bêtes fauves, étaient restés inconnus. Leur mort passa pour le résultat d'un accident commun dans ces contrées, on l'oublia et tout fut dit. Un jour, un des émissaires du baron vint l'avertir qu'un grand nombre de négociants faisant transporter avec eux de riches marchandises devaient passer à quelques lieues du château et qu'il y avait un magnifique coup de main à faire. Il rassembla tous ses routiers, ne laissa au château que quelques individus peu valides pour garder la porte et se mit en campagne. Arrivé sur un coteau boisé au bas duquel passait la route que devait suivre le convoi, il dressa son embuscade et attendit. Le lendemain matin, les sentinelles signalèrent la tête des voitures escortées d'une grande quantité de charretiers et de bourgeois à cheval. Le baron laissa les chariots s'engager et donna le signal de l'attaque. La résistance fut plus vive qu'il ne s'y était attendu, car les marchands, connaissant ces lieux malfamés, avaient enrôlé bon nombre de soldats rentrés dans leur foyer, les avaient habillés en charretiers et en conducteurs, et leur avaient fait cacher leurs armes dans les voitures qu'ils conduisaient. Cependant, malgré leur bravoure, ils n'auraient pu se défendre longtemps contre le baron et ses hommes couverts de fer, si un secours inespéré ne leur était arrivé. Des plaintes nombreuses avaient été faites au duc qui gouvernait le cercle de Souabe pour l'empereur, et il avait résolu de purger le pays de ce nid de pillards qu'on appelait Teufelstein. Il avait donc ordonné à un de ses capitaines de réunir 200 hommes d'armes et de suivre à peu de distance le riche convoi qui devait traverser une partie de la forêt noire. Le baron avait déjà coupé en deux la ligne des voitures. Bon nombre de marchands et de charretiers étaient étendus sans vie, et ces gens commençaient le pillage, quand de tous côtés débouchèrent les soldats du duc de Souabe. Une lutte courte mais terrible s'ensuivit. Surpris par ces nouveaux assaillants, les pillards essayèrent de se défendre, mais ils furent tous tués ou faits prisonniers. Le baron s'acula contre un arbre, et aidé de son écuyer et d'un des chefs de sa bande, il fit une résistance longue et désespérée. Mais enfin, accablé par le nombre, Ayant vu tomber à ses côtés ses deux compagnons, blessé lui-même, il fut saisi, garrotté, mis dans une voiture et conduit dans une forteresse sur les bords du Neckar pour y attendre le châtiment que méritaient ses crimes. Les soldats du duc se rendirent sans tarder à Teufelstein, entrèrent de force dans le château, qui n'ayant qu'un petit nombre de défenseurs ne put résister, enlevèrent tout ce qu'ils purent trouver, et après avoir démantelé les créneaux, mirent le feu au bâtiment intérieur, et partirent, sans avoir pénétré jusqu'au donjon où était ensevelie la jeune prisonnière, dont les cris n'avaient pas été entendus. Par un étrange concours de circonstances, le châtiment du baron semblait devoir être fatal à sa victime. Charlotte était perdue, condamnée à mourir d'une mort lente et atroce, à mourir de faim comme Hugolin dans sa tour, si un secours providentiel ne lui arrivait. Elle pria, demanda à Dieu le courage nécessaire pour attendre la fin de ses souffrances, sans se révolter contre sa destinée, et fit son sacrifice. 7 jours s'étaient écoulés depuis que Charlotte de Neudorf, abandonnée dans le souterrain, était dans cette terrible situation, et une prostration générale avait succédé aux souffrances aiguës des premiers temps. Elle n'avait plus la force de se traîner jusqu'à la muraille où coulait le ruisseau qui l'avait aidée jusqu'alors à tromper sa faim. Étendue sur son lit de mousse, les mains croisées sur sa poitrine, elle recommandait son âme à Dieu.